et ils résumèrent leur vie. Ils l'avaient manqué tous les deux. Celui qui avait rêvé l'amour, celui qui avait rêvé le pouvoir. Quelle en était la raison? C'est peut-être le défaut de ligne droite, dit Frédéric. Pour toi, cela se peut. Moi, au contraire, j'ai péché par excès de rectitude, sans tenir compte de mille choses secondaires, plus fortes que tout. J'avais trop de logique, et toi, de sentiment. Puis, ils accusèrent le hasard, les circonstances, l'époque où ils étaient nés. Frédéric reprit. Ce n'est pas là ce que nous croyons devenir autrefois à sens, quand tu voulais faire une histoire critique de la philosophie, et moi, un grand roman moyenâgeux, sur nos gens, dont j'avais trouvé le sujet dans Froissart. Comment messire Brocard de Fénestrange et l'évêque de Troyes assaillirent messire Eustache d'Ambre Ricourt. Te rappelles-tu? Et, exhumant leur jeunesse, à chaque phrase, ils se disaient « Te rappelles-tu ? » Ils revoyaient la cour du collège, la chapelle, le parloir, la salle d'armes au bas de l'escalier, des figures de pions et d'élèves, un nommé Angelmar de Versailles, qui se taillait des sous-pieds dans de vieilles bottes, M. Mirbal et ses favoris rouges, les deux professeurs de dessin linéaire et de grand dessin, Varro et Suriré, toujours en dispute, et le Polonais, le compatriote de Copernic, avec son système planétaire en carton, astronome ambulant, dont on avait payé la séance par un repas au réfectoire. Puis, une terrible ribote en promenade, leur première pipe fumée, les distributions des prix, la joie des vacances.